Troisième partie, chapitre 9, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 9. De la douceur envers nous-mêmes. L'un des bons usages que nous puissions faire de cette vertu, c'est de nous l'appliquer à nous-mêmes, pour ne jamais nous irriter contre nous, ni contre nos imperfections. Car la raison qui veut que nous ayons un véritable repentir de nos fautes ne veut pas que nous en concevions une douleur chagrine, de dépit et d'indignation. Or, c'est en ce point-là que manquent tous les jours ceux qui se fâchent de ceux qui se sont fâchés et qui se chagrinent de ceux qui se sont chagrinés, parce qu'ils entretiennent le feu de la colère dans leur cœur. Et bien loin que cette dévote indignation leur serve à étendre leur passion, elle se tient toujours prête à s'enflammer de nouveau à la première occasion. Autre que ces colères, ces dépits, ces aigreurs que l'on a contre soi-même, ne tombent qu'à l'orgueil et n'ont point d'autre origine que notre amour propre, qui se trouble et s'inquiète de nous voir si imparfaits. Le repentir de nos fautes doit avoir deux qualités, la tranquillité et la fermeté. N'est-il pas vrai que les sentences qu'un juge porte contre des criminels dans l'état d'une raison calme, sont plus conformes à la justice que celles où l'impétuosité de l'esprit et la passion ont eux quelque part. D'autant qu'ils y règlent leur châtiment sur l'emportement de son humeur et non pas sur la qualité de leur crime. Je dis aussi que nous nous punissons nous-mêmes plus utilement de nos fautes par une douleur tranquille et constante que par un repentir passager d'aigreur et d'indignation. D'autant que dans cette impétuosité, nous nous jugeons selon notre inclination et non sur la nature de nos fautes. Par exemple, celui qui s'affectionne à la chasteté se dépitera avec une grande amertume de cœur sur la moindre faute qu'il commettra contre cette vertu. Et il ne fera que rire d'une grosse médisance qu'il aura faite. Au contraire, celui qui est la médisance s'affligera avec excès d'une parole fort légère contre la charité. Et il comptera pour rien une faute considérable contre la chasteté. D'où vient cela? Sinon de ce que l'un à l'autre juge sa conscience, non pas par sa raison, mais par sa passion. Croyez, ma filoté, la remonstrance d'un père faite à son enfant avec une douceur toute paternelle est plus capable de le corriger qu'une réprimande aigre et importée. Pareillement, quand notre cœur aura fait quelques fautes, si nous le reprenons doucement et tranquillement, avec plus de compassion pour sa faiblesse que la passion contre sa faute, l'excitons avec suavité à ses mieux réglés. Il sera plus touché et plus pénétré de douleur qu'il ne le ferait de tous ses regrets que l'indignation impétueuse pourrait y exciter. Pour moi, si j'avais entrepris de me préserver de tout péché de vanité et que j'en eusse commis un fort considérable, je ne voudrais pas reprendre mon cœur en cette sorte. N'es-tu pas misérable et abominable de t'être laissé emporter à la vanité après tant de résolutions? Meurs de honte, ce n'est plus à toi de penser au ciel, aveugle que tu es, impudent, infidèle à Dieu. Mais je voudrais le corriger ainsi par manière de compassion. Eh bien, mon pauvre cœur, nous voilà tombés dans le piège que nous avions tant résolu d'éviter. Ah, relevons-nous et sortons-en pour jamais. implorons la miséricorde de Dieu, espérons qu'elle nous soutiendra à l'avenir, et rentrons dans la voie de l'humilité. Courage, Dieu nous aidera, nous serons quelque chose de bon. C'est donc sur la suavité de cette douce correction que je voudrais établir solidement la résolution de ne plus faire la même faute, prenant d'ailleurs le moyen convenable à cette intention, et principalement l'avis de mon directeur. Cependant, si quelqu'un ne trouve pas son cœur assez sensible à cette douce réprimande, il faut y employer des reproches plus vifs et une répréhension plus dure et plus forte, pour le pénétrer d'une profonde confusion de soi-même. Pourvu qu'après l'avoir traité avec aigreur, l'on tâche de le soulager par une sainte et suave confiance en Dieu, à l'imitation de ce grand pénitent qui, sentant son âme affligée, l'a consolé en cette manière. « Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je le bénirai encore. Vous êtes, ô mon Dieu, le salut qui paraît toujours certain à mes yeux. Vous êtes mon Dieu. » Relevez-vous donc de vos chutes avec une grande suavité de cœur, vous humiliant beaucoup devant Dieu par la vue de votre misère, mais sans vous étonner de votre faute. Car quel sujet y a-t-il de s'étonner que l'infirmité soit infirme, et la faiblesse faible, et la misère misérable? Détestez néanmoins de toutes vos forces l'injure que vous avez faite à la Divine Majesté, et puis avec une grande et courageuse confiance en la miséricorde, rentrez dans les voies de la vertu que vous aviez quittée. Fin de chapitre 9, troisième partie.